إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc là on commence le cours 10 dans l'explication de Sharh Nawaqid al-Islam. Et on avait expliqué avant la pause, on expliquait quelques exemples avant la salat, des erreurs de compréhension dans, en ce qui concerne la définition du shirk et qu'est-ce que signifie le shirk. Et on avait donné l'exemple de ceux qui limitent le shirk à qu'est-ce qu'ils appellent al-hakimiyya. Et le shaykh ensuite, après cette explication-là, il dit « فَالْحَاصِلْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ يفسرونها أو يفسرونه بغير تفسيره وإذا تدبرت القرآن تجد أن الشرك هو عبادة غير الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا شرك في الدعاء وكذلك الذكر لغير الله وكذلك الذبح لغير الله قال تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فالذبح والصلاة لغير الله شرك Donc le chef il dit donc que quand on a compris toutes ces mauvaises compréhensions du shirk dans l'esprit et dans la mentalité ou dans les idées de plusieurs personnes, hein, on voit les erreurs de compréhension qu'ils ont au sujet du shirk, eh bien ça nous fait comprendre en fait l'importance de comprendre réellement ce que signifie le shirk. Hein, et lorsqu'on regarde ce qu'ils font, hein, on voit qu'ils interprètent le shirk d'une façon qui est incorrecte, contraire à sa signification réelle. Et lorsque tu médites sur le sens du Coran, hein, sur le Coran, et que tu observes la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce qu'est le shirk, et bien là tu vas réaliser que c'est en fait d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Yunus qu'on a récité plus tôt, dans le cours précédent, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce cours, et ils adorent, il dit dans ce verset, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne leur nuit, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne ensuite le verset 22 dans Surat Saba, qui dit, dis aux messagers d'Allah, aux mushrikim, dis aux gens, invoquez ce que vous prétendez ou ce que vous pensez être vos intermédiaires entre ou vos idoles, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, et sachez qu'ils ne possèdent même pas une atome dans les cieux et sur la terre. Ce que vous pensez être des divinités en dehors d'Allah, eh bien ils ne possèdent même pas une atome dans les cieux et sur la terre. Donc ça c'est le shirk dans ad-du'a. Et de même qu'il y a le shirk dans le fait de sacrifier un animal pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 2 dans sourate Al-Kawthar, « Fasalli li rabbika wanhar » hein, et établis la salat, hein, et fais la salat pour ton Rab, pour ton maître, pour ton créateur, et sacrifie pour lui, hein, sacrifie pour lui, ça veut dire que le sacrifice, ça fait partie de l'adoration. Et également, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au messager d'Allah, dit aux gens, قل ma salat, c'est-à-dire ma prière, mon nusuk, hein, mon sacrifice, et ma vie, et ma mort, et ma vie appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, le créateur des mondes. La sharika lahu, wa bidhalika umirt, il n'a aucun associé, et c'est ce qu'on m'a commandé, c'est-à-dire d'adorer Allah seul. Et après, il dit donc que le fait de sacrifier, et le fait de faire la salat pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça représente donc une catégorie ou une forme de shirk. Et il faut savoir que le shirk est de plusieurs catégories. D'accord? Après, il dit, وَضَابِتُهُ أَنَّ مَنْ صَرَّفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. Donc, la règle à suivre pour comprendre, hein, par rapport au shirk, qu'est-ce que c'est le shirk? On l'a expliqué, c'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Maintenant, le mushrik, c'est qui? Le mushrik, c'est quiconque qui offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une parmi les formes d'adoration. D'accord? Donc lui, c'est le mushrik. Le shaykh, il dit, wa shirku naw'an. الشرك النوع الأول شرك أكبر والنوع الثاني شرك أصغر والشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما سبق وهذا النوع يخرج صاحبه من الملة ويحرم على صاحبه دخول الجنة ويدخله النار ويحبط جميع الأعمال ويبيح دمه وماله فهو قبيح من عدة وجوه. Le chef il dit que le shirk il est divisé en deux catégories. Il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Le shirk majeur, l'akbar, c'est d'offrir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une forme d'adoration comme on l'a expliqué. Et cette catégorie-là, le shirk majeur, il fait quitter quelqu'un la religion. Il fait sortir la personne de la religion. La personne qui fait le shirk majeur, il sort de la religion, il devient mushrik. Et le shaykh il dit qu'en plus de ça, on lui interdit l'entrée au paradis. Alaykoum salam, fatullah. Au jugement dernier, alaykoum salam. Au jugement dernier, le mushrik ne pourra pas entrer au paradis et il sera éternellement dans l'enfer. Et c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne. C'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais pour celui qui meurt mushrik. Et celui qui commet le shirk, toutes ses œuvres sont vaines et n'ont aucune valeur. Hein? Donc peu importe qu'est-ce qu'il a fait comme bonne action, comme salat, comme hajj, comme zakat, hein, ou comme jeûne, ou qu'est-ce qu'il a fait comme aumône ou charité, s'il a fait le shirk, toutes ses actions sont annulées, sont vaines. Et également, le shirk rend le sang et les biens d'une personne halal. Hein? Et quand on dit que le shirk rend les biens et le sang d'une personne halal, c'est-à-dire, bien entendu, dans le combat et dans la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le jihad, fi sabilillah, avec un dirigeant musulman, hein? Avec sa permission. Et derrière lui dans l'armée, derrière son armée, hein? Pas n'importe qui se décide de faire le jihad comme il s'imagine que c'est permis de le faire, comme certains groupes de Khawarij aujourd'hui. Et ça, c'est malheureusement nécessaire de clarifier ça à chaque fois, parce que malheureusement, il y en a plein de gens qui sont ignorants aujourd'hui et qui interprètent le jihad d'une façon fausse et qui font des actes de terrorisme et tout ça, et après ils disent que ce qu'ils font, c'est le jihad. Donc malheureusement, à notre époque, on est obligé d'expliquer, de clarifier à chaque fois qu'on mentionne le mot jihad ou qu'on mentionne les choses qui parlent de ce sujet-là dans les hadiths et dans les versets. On est obligé de clarifier ces choses-là en détail parfois pour éviter les ambiguïtés, parce que il y a toutes sortes de gens de bid'ah qui ont déformé la réalité de la signification de ces formes d'adoration-là et qui ont fait paraître l'islam comme une religion de terreur et de massacre et de laideur. Et donc, on est obligé de répondre à ces gens-là et de leur dire, et de dire aux gens que ce qu'ils font, ces gens-là, au nom du djihad et de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ça c'est important. Et après, le cheikh, il dit donc que le cheikh, il est laid, c'est quelque chose de laid. Et ça c'est de plusieurs points de vue qu'on peut montrer la laideur du shirk. Premièrement, le cheikh il dit « Awwalan annahu yaj'alu sahibahu kafiran mushrikan ». La première chose à propos du shirk et qui montre la laideur du shirk, c'est que ça fait qu'une personne devient kafir mushrik. ثانياً أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والتحريم بمعنى المنع من دخول الجنة منعاً باتاً ولهذا قال ومأواه النار ولما حرم الجنة صارت النار مأواه أبد الآباد أبد الآباد لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que le mushrik, parmi les choses qui sont laides pour le mushrik, c'est que il est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer au paradis, et sa destination finale c'est l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Donc ça veut dire, quand on dit que le paradis est haram pour eux, ça veut dire que le paradis est interdit, ils ne pourront jamais entrer au paradis du tout. Et c'est pour ça que Allah dit wa ma'wahu an-nar, c'est-à-dire sa destination finale, là où il va terminer, hein, c'est le feu de l'enfer. Et donc, le cheikh il dit que il va jamais sortir, que Allah nous protège de l'enfer. Amin. ثالثا أن الله حرم المشرك من المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إذا مات على الشرك لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى ما لم يتب منه، وإنما المغفرة من دون توبة لمن شاء الله، خاصة بالذنوب التي هي دون الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات والكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك، فهي تحت مشيئة الله. إن الله غفر لأصحابه إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، وهؤلاء يقال لهم عصاة الموحدين. ولكن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون أو لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار وعبدة الأصنام والمشركون. Le cheikh il dit ici que, comme troisième point, qui montre la laideur du shirk, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit le pardon pour le mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 48 dans Sourate An-Nisa, que certes Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc le cheikh il dit que le mushrik, s'il meurt sur son shirk, eh ben, il n'a aucun espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il est mort sur son shirk et qu'il ne s'est pas repenti du shirk avant sa mort. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est uniquement pour ce qui est en dehors du shirk. Tout ce qui est en dessous du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un meurt, si quelqu'un meurt parmi les musulmans et qu'il n'a pas commis de shirk, il meurt mais il commettait des grands péchés, celui-là il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il faisait d'autres péchés qui sont moins graves que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala il le pardonne à qui il veut. Comme par exemple quelqu'un qui commettait le zina, ou quelqu'un qui commettait des vols, ou quelqu'un qui buvait de l'alcool, ou d'autres parmi les grands péchés, parmi les grands péchés qui n'arrivent pas au degré de shirk, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il lui pardonne, et s'il veut le punir, il va le punir selon la mesure de ce péché-là, ou selon la proportion de péché qu'il a, puis il va le faire sortir de l'enfer, et il va le faire rentrer au paradis par la suite à cause de son tawhid, à cause du fait qu'il n'a pas fait shirk. Donc il va leur pardonner pour leur tawhid et pour leur iman, il va leur faire sortir, il va les faire sortir de l'enfer, il va les faire rentrer au paradis par la suite. Et ceux-là, on les appelle les pécheurs parmi les musulmans qui ont le tawhid, qui sont sur le tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer, ils vont pas demeurer éternellement dans l'enfer comme les koufars et les adorateurs des idoles et des mushrikoun. Les mushrikouns, eux, ils demeurent éternellement dans l'enfer, et les koufars, ils demeurent éternellement dans l'enfer, sauf que ceux qui vont rentrer en enfer et qui vont sortir, c'est ceux parmi les musulmans qui ont fait des grands péchés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de punir parmi eux. Donc ça, c'est important de comprendre. Après, le cheikh dit le point numéro 4, « Al-shirku yuhbitu jami' al-a'mal » قال تعالى لقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فلهذا يقولون إن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة فالإنسان إذا توضأ ثم أحدث بطلت طهارته وكذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم أشرك شركا أكبر بطل توحيده وبطلت أعماله لأن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. الشيخ explique que parmi les points qui sont laids à propos du tawhid, à propos du shirk, il y a le fait que le shirk annule les actions d'une personne. Toutes ses œuvres, toutes ses bonnes œuvres sont annulées complètement. Il n'a plus aucune hasanat, rien, zéro, niet, hein. C'est ça le danger du shirk, ça annule tes œuvres. Et donc, les gens qui disent l'important c'est d'être un bon être humain, de faire le bien, c'est pas grave ta religion, hein, l'important c'est de faire le bien. Non, ça c'est faux. Parce que si tu dis que c'est l'important c'est de faire le bien, c'est que tu es sur le shirk. Eh bien, tout le bien que tu as fait, il va être niet, il va être zéro, il va être nul. Donc, c'est pas l'important que tu dis juste de faire le bien, la religion, c'est pas important. A'udzubillah. Donc, le cheikh, il mentionne des preuves de ça, les versets 65 et 66 dans Surat Az-Zumar. Et nous avons certes fait révéler à toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'à ceux qui sont venus avant toi, que si tu fais le shirk, on va annuler toutes tes actions, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi les perdants. Et adore Allah, hein, balillah fa'abud, wakum min ash-shakirin. Mais adore ton Seigneur, hein, Allah, et sois parmi les reconnaissants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit les messagers que s'ils font le shirk, il va annuler leurs œuvres. Ils sont des messagers d'Allah, ils sont des messagers d'Allah. Et donc, yani, si c'est eux qui sont menacés par Allah subhanahu wa ta'ala, que s'ils font le shirk, leurs œuvres vont être annulées, alors tous ceux qui sont en dessous des messagers d'Allah sont concernés par cette menace également, du fait que si l'un d'entre nous, quiconque parmi les musulmans, fait le shirk, ses œuvres risquent d'être annulées également. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous avertit à ce sujet-là. Donc il y a des gens parmi les musulmans qui n'ont pas appris leur aqida comme il faut et qui voient par exemple des koufars, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens, que ce soit des athées, que ce soit des bouddhistes ou autres, qui font beaucoup de sacrifices, qui font beaucoup d'œuvres de charité, qui font beaucoup de générosité, qui font beaucoup de bien, hein, qui aident les autres, qui font toutes sortes de choses que même parfois certains musulmans font même pas. Et ils disent « Ah, ces gens-là ils font du bien, hein, ces gens-là sont bons ». Et ils pensent que en faisant ces choses-là, ils auront quelque chose. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera rien de ce qu'ils font de bonnes actions. Parce qu'ils ne le font même pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Ils le font pour un bien dans la dunya, ou bien pour une satisfaction personnelle, ou bien pour tout autre intérêt que seul Allah connaît. Mais de toute façon, Allah n'acceptera que l'action qui est faite uniquement pour lui et purement pour lui. Donc les savants de l'islam disent que le shirk, il annule les actions d'une personne. De la même façon que lorsque tu as ton wudu, si tu fais quelque chose qui annule ton wudu, ça va éliminer ou enlever ta pureté. Et bien de la même façon que si tu es un musulman et que tu fais un acte de shirk, ça va annuler ton tawhid et ton témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc c'est ça. وكذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أشرك شركا أكبر بطل توحيده. Donc ton tawhid va être annulé, et non seulement ton tawhid va être annulé, tout ce que tu as fait de bien va être annulé également. Parce que le shirk détruit les bonnes œuvres comme les impuretés détruisent la pureté d'une personne ou enlèvent la pureté d'une personne. وقال تعالى لما ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام نعم ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع أنهم أنبياء ولكن لو قدر أنهم أشركوا لحبطت عنهم أعمالهم كما قال تعالى لنبيه ولئن أشركت ليحبطن عملك فلا ينفع الإنسان أي عمل عمله مع الشرك أو عمله قبله ولم يتب منه كله لأنه يبطل الأعمال فإذا مات عليه صار من أهل النار الخالدين فيها قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. Donc le cheikh explique ici et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 84 dans sourate Al-An'am, il commence à mentionner certains des prophètes qu'il a envoyés. Et il commence à mentionner Nuh, hein, il dit nous avons guidé Noé, non, Nuh avant. Et parmi ses descendants, il y avait Daoud et Suleyman, et il y a une énumération de plusieurs prophètes qui sont mentionnés par la suite. Et juste à la fin de l'énumération de ces prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 88, dans Surat Al-An'am, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » S'ils avaient commis le shirk, ces messagers-là, et ça c'est juste une supposition, parce qu'on sait très bien que les prophètes d'Allah sont protégés du shirk. Mais supposons qu'ils auraient fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala aurait complètement annulé tout ce qu'ils font comme bonne action. Et donc, le shaykh il dit, la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, si tu fais le shirk, je vais annuler toute ton action, toutes tes œuvres. Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, supposons qu'il aurait fait le shirk, ses œuvres auraient été nulles. Et ça, bien entendu, comme on l'a dit, c'est pas possible. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégé contre ces choses-là. Mais, s'il le faisait, ce serait son sort. Et donc, ce serait le sort de n'importe quel d'entre nous si on commettait le shirk. Et donc, le shirk, il dit que ça n'a aucun bienfait, yani, qu'un être humain, c'est-à-dire, les actions d'une personne n'auront aucune importance ou aucune valeur pour quelqu'un lorsqu'il a commis le shirk. Tant qu'il ne s'est pas repenti du shirk avant sa mort, et s'il meurt alors qu'il est sur le shirk, c'est certain qu'il sera éternellement dans l'enfer. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud qui dit « Celui qui meurt alors qu'il invoque des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera, ou des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il rentrera dans l'enfer. » Et Abdullah ibn Mas'ud, lui, il dit « Et moi je dis, celui qui meurt et qui n'invoque personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entre au paradis. » D'accord ? خامساً أن الشرك يبيح دم المشرك وماله ويجب جهاده قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فلا يعصم المال والدم إلا التوحيد أما الشرك فإنه يبيح الدم والمال بمقاتلة أصحابه هذا هو الشرك وما يترتب عليه من العقوبات في الدنيا والآخرة وهي أنواع كثيرة أعظمها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح لغير الله والسجود لغير الله والنذر لغير الله والركوع لغير الله إلى آخره ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر للشيخ الزيد cinquièmement que le shirk c'est quelque chose qui rend le sang du mushrik et ses biens halal et qui oblige le fait qu'on doit lutter contre lui et faire le jihad contre lui comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira pardon qui est rapporté par Al-Bukhari par Al-Bukhari et Muslim et ce hadith a dit « Et on m'a commandé ou j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Et lorsqu'ils l'ont dit, lorsqu'ils ont dit « La ilaha illallah », leur sang et leurs biens seront protégés contre moi, excepté pour un droit de « La ilaha illallah ». Et ensuite, leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils sont protégés dans leur sang et dans leur bien. Excepté s'ils viennent empêcher un des droits de la ilaha illallah, un des droits de l'islam. Et c'est sur ce hadith-là que Abu Bakr al-Siddiq s'est basé pour combattre ceux qui refusaient de payer la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et pour dire qu'il a été ordonné de combattre ces gens-là, parce qu'ils avaient refusé de payer la zakat, et la zakat c'est un des droits, hein, qui appartient à la, qui fait partie de la ilaha illallah. Et ce hadith-là, bien entendu, c'est un hadith qui a rapport avec le djihad. Dans le sens que, quand les musulmans, ont un dirigeant, et qu'il a la capacité, et qu'il décide de combattre les mushrikins, et de leur envoyer des gens pour faire la da'wah, il va les appeler à l'islam. Il va les appeler à l'islam en premier. S'ils refusent d'accepter l'islam, alors il va leur demander de payer la jizya. S'ils refusent de payer la jizya, s'ils acceptent la jizya, s'ils acceptent l'islam, c'est fini, il n'y a pas de combat, alhamdulillah. S'ils refusent l'islam, on leur demande de payer la jizya. S'ils refusent de payer la jizya, alors là, il y a le combat. Et le but du djihad, c'est de détruire le shirk et d'établir le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc ça c'est, bien entendu, avec le dirigeant dans un pays musulman et d'une façon bien spécifique, comme on a expliqué ça dans les cours qui ont rapport avec ce sujet. Comme on l'a expliqué dans Al-Mulakhas al-Fiqhi, les deux derniers cours sont là-dessus, 57, 58 si je ne me trompe pas. Bon. Ceux qui veulent les détails, ils peuvent retourner au cours 57-58 dans Al-Munakhas Al-Fiqhi, on a parlé de ça en détail. Donc, Yarhamukallah. Donc, le cheikh il dit qu'il n'y a rien qui peut protéger le sang et les biens, excepté le tawhid. En ce qui concerne le mushrik, alors son sang et ses biens sont permis, parce que il est permis de les combattre, ces gens-là, dans le jihad. Et il dit que ça c'est les punitions qui sont les conséquences du shirk. Les punitions qui sont les conséquences du shirk. Et donc, ça nous fait comprendre en réalité qu'il y a des punitions pour le shirk dans la dunya et dans l'akhira. Il y a des punitions pour le shirk dans la dunya et dans l'akhira. Parmi les plus grandes formes de shirk, et en passant, je vais vous dire ces exemples-là que le shirk a mentionnés, si vous regardez dans certains groupes de bid'a aujourd'hui, vous trouvez ces manifestations-là présentes dans ces groupes de bid'a, des gens qui se disent musulmans, qui font la salat, et qui pratiquent l'islam, des femmes qui portent le hijab, et des hommes qui font le jeûne du ramadan, et qui font le hajj et tout, et qui se disent musulmans, et pourtant qui sont en train de pratiquer et de commettre toutes les formes de shirk. D'accord? Comme, juste pour vous donner des exemples, parmi ces groupes-là, les Rafidah, parmi les Shia, vous trouvez chez eux des manifestations de shirk akbar, et allez, ça fait partie de leur religion. Parmi également les gens qui ont ces manifestations de shirk akbar, des groupes de soufia, parmi les turq soufia, vous trouvez chez eux ces manifestations-là. Et le cheikh, il en mentionne quelques-unes, et je vais vous montrer que, effectivement, ces choses-là sont présentes chez ces sectes, parmi les sectes musulmans. Ou des gens qui se disent musulmans parmi ces groupes. Comme par exemple, le fait de faire des du'as pour autre que Allah. Ça, vous trouvez chez les chi'as, les gens qui font des du'as, ils invoquent Ali, radiallahu anhu, ils invoquent Fatima, ils invoquent Al-Hassan, Al-Hussein, ils invoquent les imams des chi'as, ceux qu'ils considèrent les descendants d'Ali, qu'ils considèrent être des êtres infaillibles et éternels, tout-puissants. Ils invoquent également Al-Khomeini et d'autres parmi leurs imams. Et les soufis, la même chose, ils invoquent leurs awliya et leurs ceux qu'ils appellent Al-Rawf ou Al-Qutb, le pôle ou le celui qu'ils se tournent vers lui lorsqu'ils ont des malheurs. Et parmi eux-mêmes, ça c'est des shirk dans l'adoration, mais même parmi eux ils font le shirk dans Abu Boubiya, même dans la souveraineté. Ils croient qu'ils peuvent créer en dehors d'Allah, que le wali, il arrive à un niveau, il est capable de créer en dehors d'Allah, il est capable de faire vivre les morts, il connaît l'invisible. Parmi eux, il y en a qui ont ces formes de croyances-là pour leurs saints et leurs awliya. Et Al-Jafri, je ne sais pas si vous connaissez Al-Habib Al-Jafri, il fait partie des saints, il fait partie des gens qui croient à ces choses-là, et qui enseignent ces choses-là, et qui appellent à ces choses-là, qui appellent au shirk akbar clair. Et non seulement le shirk dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration, mais même le shirk dans Al-Rububiyya, en donnant à des êtres humains les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient que le wali est capable de créer. Des trucs de ce genre. Il y a des khurafats incroyables. Donc, vous trouvez parmi ces gens-là qui se disent musulmans, qui font la prière, les femmes qui portent le voile et qui font la salat et qui font tout ce que les musulmans font, et malgré tout, vous les voyez faire des du'as pour d'autres qu'Allah. Quand ils ont des malheurs, des difficultés, des problèmes, ils vont voir le wali, ils demandent au wali, ils les invoquent en dehors d'Allah. Tout ça, c'est des formes de du'as pour d'autres qu'Allah. Al-istighatha bi ghayrillah. فيما لا يقدر عليه إلا الله. Ils demandent le secours des awliya quand ils ont des malheurs, quand ils ont des difficultés. Et ils demandent à autre que Allah ce que seul Allah peut donner. Comme par exemple le pardon, la miséricorde, yani de nous sauver de l'enfer, ou bien yani de guérir une maladie. Ils invoquent des êtres humains, ils leur demandent ça. Alors que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Ça, c'est des formes de shirk. الذبح لغيرillah, de sacrifier ou d'égorger un animal pour autre qu'Allah. Vous trouvez chez les shi'a, vous trouvez chez les soufis. Et les soufis, ils disent sunnites. Des fois, il y en a qui disent, ah, les shi'a, ils font ça. Ils pensent que c'est seulement chez les shi'a que tu trouves ça. Et ces gens-là, parmi les soufis, ils se disent sunnites, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la sunna. Ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ils se disent sunni. Ça n'a rien à voir avec la sunna. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. De se prosterner à autre qu'Allah, vous trouvez chez ces gens-là des gens qui font ça. Ils se prosternent devant leur cheikh. Ils embrassent les pieds de leur cheikh. Et ils se disent musulmans. An-nadru li ghayrillah, de faire des serments ou des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a plein ça, vous trouvez chez ces gens-là qui font ça. Al-ruku' li ghayrillah, de s'incliner, faire le recours, comme on fait dans la salat, eux ils le font devant leur wali, ou devant les saints, ou d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'un être humain se prosterne devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh ibn Jabal, il est revenu de la Syrie. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Mu'adh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te prosternes comme ça devant moi, a'udhu billah, Et Mu'adh ibn Jabal lui répond et lui dit, oh messager d'Allah, j'étais en Syrie et j'ai vu les gens du livre qui font ça avec leurs hommes pieux et avec leurs hommes importants et tout. Alors j'ai cru que toi tu es plus important que ceux-là, et donc tu mérites plus qu'on agisse comme ça envers toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont menti. Hein? Si je devais demander à quelqu'un de se prosterner devant une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause du droit qu'il a sur elle. Mais il a interdit catégoriquement qu'un être humain se prosterne devant un autre être humain. Hein? Donc c'est pour vous montrer que le fait de même de s'incliner, Taymi elle mentionne dans Majmu' al-Fatawa, al-inshina, juste de non seulement de te prosterner ou de t'incliner, juste de baisser un petit peu la tête comme ça devant quelqu'un, mais c'est pas permis. Hein? Il y en a qui le font complètement. Il y en a qui font des sports, comme des arts martiaux. Et avant de commencer les combats, ils font le salut en baissant la tête devant son adversaire. Ça aussi, ça fait partie des choses comme ça. Il y en a dans certains dojos, ils ont une photo du maître, soi-disant. Et puis avant de commencer, ils doivent s'incliner ou faire une soujoute presque devant la photo. Hein? Tout ça, ça rentre dans des choses de ce genre. C'est pas permis pour un musulman de faire des choses comme ça. Donc, ensuite le cheikh il dit, et donc quiconque offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, il a commis une forme de shirk akbar. Et le cheikh il dit, وَالنَّوْعُ الثَّانِي الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. Et la deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur. وَهُوَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَسْمِيَتُهُ شِرْكًا وَدَلَّتْ الْأَدِلَّ عَلَىٰ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَهُوَ نَوْعَانِ. Le cheikh il dit que la deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur. Et c'est tout ce qui a été mentionné dans le Coran ou dans la Sunna qui a été nommé ou appelé shirk, tandis qu'il y a d'autres textes dans la charia qui indiquent que celui qui commet cette action-là ne sort pas de la religion. Hein? C'est pour ça que les ulama disent que lorsque on étudie un sujet ou une question, il ne faut pas juste prendre un texte sur ce sujet-là et le prendre individuellement et laisser les autres textes à l'écart. Il faut ramener tous les textes qui parlent de quelque chose et pour savoir exactement est-ce que ça fait sortir de l'islam ou non, est-ce que c'est akbar ou asrar. Il faut ramener les textes, tous les textes qui parlent d'un sujet, et pas prendre un seul texte et le laisser à l'écart des autres. Ou bien il y en a d'autres définitions que les ulama ont données au sujet du shirk asrar. Ils ont dit par exemple, toute chose qui est haram et qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, toute chose qui a été appelée shirk asrar et qui peut t'amener à tomber dans un shirk majeur, donc ça devient un shirk mineur. Donc il y a beaucoup de définitions différentes comme ça qui ont été données, mais ça tourne toujours autour de la même signification. Il y a aussi une autre définition qui a été faite à ce sujet-là qui dit que c'est de rendre quelque chose une cause qui n'a pas été établie ni par Allah dans la création ni par la révélation. Hein? Bien entendu, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais le cheikh il mentionne le fait que le shirk mineur il est en deux catégories, parce que là j'ai mentionné des définitions, maintenant il donne des exemples plus précis. Il dit « وَهُوَ نَوْعَانِ النَّوْعُ الْأَوَّلِ شِرْكٌ فِي الْأَلْفَاظِ كَالْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ وَمِثْلُ قَوْلِ لَا لولا الله وأنت وما شاء الله وشئت هذا شرك في الألفاظ. Donc il y a une catégorie de shirk mineur, c'est le shirk dans les paroles, comme par exemple le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un qui jure par autre qu'Allah, quelqu'un qui dit par exemple je jure par mon père, ou je jure par la Kaaba, ou je jure par le soleil, ou je jure par sur la tête de ma mère, ou je jure sur n'importe quelle autre chose, ça c'est une forme de shirk mineur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par autre que Allah, il a fait un shirk, il a fait un kufr ou un shirk. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi et Abu Daoud et Al-Hakim, et Al-Hakim l'a authentifié. c'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Omar. Et At-Tirmidhi l'a dit, c'est un hadith Hassan. Hadith Hassan. Ensuite, le cheikh il dit aussi les, parmi les exemples de shirk dans les paroles, il y a le fait de dire par exemple, si ce n'était pas Allah et toi, hein, c'est-à-dire, quand des fois les gens parlent sans faire exprès, ils disent, grâce à Allah et toi, hein, ou bien quelqu'un qui dit si Allah veut et toi. Ça c'est des formes de shirk dans les paroles et ça c'est des formes de shirk mineurs. C'est-à-dire que quelqu'un il met Allah et la créature à égalité. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il met Allah et la créature à égalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si tu parles, lorsque tu parles comme ça, tu dis si Allah veut et toi, tu ne dois pas dire ça, parce que tu mets Allah et la créature à égalité, au même niveau. Donc tu dois dire si Allah veut, puis ensuite si toi tu veux. Hein. Mais pas mettre Allah et la créature au même degré. Une fois il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma sha'allahu wa shi'at » ce que Allah veut et ce que tu veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit « Aja'altani lillahi niddan, qul ma sha'allahu » c'est tout, faqat, qul ma sha'allahu et c'est tout. Yani. Donc en voulant dire, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ce que Allah a voulu et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, est-ce que tu veux me mettre égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dis Allah a voulu lui seul, c'est tout. Et sinon tu mets summa ensuite, hein, ensuite pour qu'on sache qu'il y a un décalage entre les deux, il y a un degré entre les deux et que ce n'est pas à égalité. النوع الثاني شرك خفي في القلوب وهي أنواع من أبرزها الرياء فهو يعرض لما لما يرى أو لما يرى من الأعمال لما يرى من الأعمال وهو على نوعين رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار الذين يراءون الناس بأعمالهم ويعتقدون بقلوبهم الكفر وهذا والعياذ بالله رياء كفر لأن أصحابه لا يؤمنون بالله عز وجل وإنما يتظاهرون بالأعمال الصالحة لأجل مطامع دنيوية. Le cheikh nous dit que la deuxième catégorie c'est le shirk qui est caché dans le cœur et c'est de différentes catégories. Le shirk mineur, parmi les formes de shirk mineur il y a le shirk qui est caché et c'est par exemple al-riya. Al-riya ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des actions dans le but de montrer aux gens que tu es quelqu'un de religieux, de pieux et tout, et tu espères de ces gens-là avoir des glorifications. Donc tu ne fais pas tes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, mais tu fais tes actions dans le but que les gens disent à ton sujet, voilà cet homme-là, il est un homme très pieux, ou il récite très bien le Coran, ou il a beaucoup d'ilm, ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit que le shirk dans Ar-Riya, ou le shirk mineur qui s'appelle Ar-Riya, il est en deux catégories. En fait, si c'est l'exemple des hypocrites, ceux qui se disent musulmans, qui montrent qu'ils sont musulmans mais dans leur cœur ils n'ont pas de foi en l'islam, ça c'est bien entendu une forme de Riya de leur part parce qu'ils montrent aux gens qu'ils sont musulmans, en réalité ils ne croient même pas en l'islam, et ils font juste des actions pour, disons, se faire accepter des musulmans et pour montrer que pour atteindre un certain intérêt dans la dunya. Donc ceux-là sont des koufars bien entendu parce qu'ils ne croient pas en l'islam, c'est des hypocrites. Et ça c'est une catégorie de riya et il y a une autre catégorie de riya qui se fait de la part d'un musulman. C'est quelqu'un qui est musulman et croit en l'islam, sauf que ça arrive parfois que il y a une sorte de riya qui rentre dans son cœur. Parce qu'il veut se faire glorifier pour certaines actions qu'il fait, et ça c'est une forme de shirk mineur, et ça annule la valeur de tes actions. Ça annule la valeur de tes actions. Le cheikh il dit al-riya, alladhi yahsulu min al-muslim, qala sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi lamma kharaja ilayhim wa hum yatazakaruna al-dajjal, qala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih al-dajjal, qalu bala ya rasulullah, qala al-riya, يقوم أحدهم فيصلي ويزين صلاته لما لما يرى من نظر رجل إليه فهذا قد يقع من المسلم والمؤمن، فإذا وجد في نفسه شيئا من هذا الرياء قاومه وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل، فلا يضره إذا دفعه، أما إذا استمر معه وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل فلا يضره إذا دفعه، أما إذا استمر معه فإنه يبطل العمل إذا كان معه من بدايته، وكذلك إذا طرأ في أثناء العمل واستمر على الراجح وكذلك السمعة، وهي لما يسمع من الأقوال أو لما يسمع من الأقوال كالذكر وتلاوة القرآن من أجل أن يسمعه الناس ويثنوا عليه ويقع في الأقوال المشروعة من قراءة وأذكار وغير ذلك مما يفعلها يريد أن يمدحه الناس حين يسمعونه، أو أن يقع في نفسه شيء من حب الثناء، فهذا شرك أصغر. لشيخ الإكسليك يذكى il y a aussi une forme de ria qui peut arriver de la part des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons lorsqu'ils sortaient une fois et ils les entendaient en train de parler du Dajjal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voulez-vous que je vous parle de quelque chose qui est plus épeurant pour vous, ou plus que vous devez craindre encore plus que le Dajjal? C'est-à-dire, j'ai plus peur pour vous de ça que du Dajjal. Ils ont dit: certes, au messager d'Allah, on aimerait savoir cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Et il a répondu: al-riya, c'est-à-dire le fait de faire une action pour se montrer. Et il a dit: un homme d'entre vous se lève et fait sa prière, et lorsqu'il sait que quelqu'un le regarde, il embellit sa prière, il la prolonge et il montre qu'il est plus concentré. Donc ça, c'est une forme de riya. C'est rapporté selon Ahmad ibn Majah et Al-Hakim, et ça a été authentifié par Al-Hakim, et Al-Albani il l'a déclaré Hassan. Le Cheikh dit donc que ça peut arriver d'un musulman et d'un croyant, hein. Et lorsque quelqu'un trouve cette chose en lui-même, hein, il trouve qu'il a en lui-même une forme de riya, il le sent en lui, alors il doit essayer de le repousser. Il doit essayer de repousser cette riya, hein, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, lorsque quelqu'un trouve ça en lui-même, il doit faire son possible pour le repousser et de revenir à la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il la repousse, alors ça ne lui fera aucun tort. S'il la repousse, ça ne lui fera aucun tort. Toutefois, s'il la laisse continuer en lui et qu'il continue avec Ria dans son action, alors elle détruit son action s'il l'a eu depuis le début. Toutefois, s'il a commencé son action, au début de son action, il était sincère, il a fait uniquement pour Allah. Puis, le riya est rentré pendant qu'il faisait l'action, hein, alors, qu'il a continué, comme s'il a commencé son action sincèrement, il n'avait pas de riya. Puis, pendant l'action, le riya est entré dans son cœur, et qu'il a continué avec le riya, il n'a pas repoussé, alors aussi ça annule son action. Toutefois, s'il a commencé, il a eu le riya, il a repoussé, alors là, son action, Inch'Allah, sera correcte et sera acceptée. Toutefois, c'est ça. Donc ça, c'est l'explication que le Cheikh a donnée à ce sujet-là. Donc, وَكَذَلِكَ إِذَا طَرَعَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الرَّاجِحِ. Donc, s'il commence l'action, أما إذا استمر معه فإنه يبطل العمل إذا كان معه من بدايته. Donc si depuis le début de l'action il avait le ria et qu'il a continué avec, ça détruit son action. Toutefois, si pendant au début de son action il n'avait pas de ria, puis le ria est venu, on voit ici que le chef il montre qu'il y a une différence d'opinion à ce sujet là. C'est pour ça qu'il dit à la fin « ala rajih ». Et la position qui est la plus correcte, c'est que s'il a eu le riya, non pas depuis le début, mais pendant l'action, puis qu'il a continué dans le riya, son action est annulée, alors rajih, c'est-à-dire selon la position la plus correcte. Ensuite, il dit, وَكَذَلِكَ السُّمْعَةِ يعني, الرِّيَا, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on voit, hein, de montrer, de se montrer. Toutefois, il y a الرِّيَا dans qu'est-ce qu'on peut, dans le fait d'aimer se faire entendre aussi. C'est ce qu'on appelle السُّمْعَةِ, hein. C'est-à-dire qu'on aime que les gens nous entendent dire des bonnes choses ou réciter le Coran et pour que les gens nous glorifient par la suite. Ou bien faire des durous et on aime que les gens nous entendent faire des durous pour dire « Ah, lui, masha'Allah, il a du ilm » ou des choses comme ça. Que Allah nous protège de ce genre de choses. Et après, donc, le cheikh, il dit la même chose pour les adhkar et les dhikr, les gens qui, parfois, des fois, les gens vont faire ça, puis l'amour de la glorification rentre dans leur cœur, et puis ça devient pour eux une forme de shirk asrar, et Allah subhanahu wa ta'ala annule la valeur de ces actions, de cette action-là. Donc c'est très dangereux, le shirk al-asrar. Et le shaykh il dit par la suite, وَكَذَلِكَ مِنَ الشِّرْكَ الْخَفِي أَنْ يُرِيدَ الْإِنسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَيُرِيدُ طَمَعَ الدُّنْيَا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فالذي يأتي بعبادة يريد بها طمع الدنيا كالذي يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا لأجل الدنيا أما الذي يطلب العلم غير الشرعي فلا بأس أن يتعلمه من أجل الحرفة والمهنة ليتعيش بها كأن يتعلم الحساب والصناعة والكتابة يقصد بذلك أن يحصل على وظيفة فهذا لا بأس به وهو من الأسباب المباحة وليس عبادة أما العبادات Donc on va traduire cette partie-là, puis on continue après. Le cheikh il dit, de même qu'il y a aussi parmi les choses qui font partie du shirk caché, du shirk mineur, qui est le shirk caché, le shirk de khafi, c'est le fait que l'être humain fasse une action, يُرِيدُ الْإِنسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا. Donc quelqu'un qui fait une bonne action dans l'islam, mais il le fait dans le but d'avoir un bienfait ou un profit dans la dunya. Il ne fait pas, il ne fait pas sa bonne action pour avoir une récompense dans l'au-delà, par Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il le fait en particulier parce qu'il veut quelque chose de la dunya. Et il mentionne le verset 15 dans Surat Hud, hein, 15 et 16. Celui qui veut la vie d'ici-bas, et ça est sa parure, sa beauté. On va leur donner le résultat de leurs actions dans cette dunya et ils ne seront pas biaisés, ils ne seront pas brimés, ils ne sont pas privés de ce qu'ils ont cherché. On va leur donner. Et ceux-là sont ceux qui n'auront rien dans l'au-delà excepté le feu. Le verset 15 dans Surat Hud. Donc, le cheikh, il dit, celui qui fait des actes d'adoration dans le but d'avoir des biens dans la dunya, comme par exemple celui qui cherche le ilm, apprend la science, talab al-ilm, yatlub al-ilm, le ilm de la sharia, mais il le fait juste pour avoir quelque chose de la dunya. Soit parce qu'il veut devenir imam ou mufti, pour avoir un bon salaire, pour gagner sa vie, juste pour la dunya. Hein? Celui qui fait ça, alors là, il rentre dans cette description-là. Mais celui qui cherche une science autre que la science religieuse, hein, il cherche une science de la dunya parce qu'il veut gagner sa vie avec, ça il n'y a pas de problème. Si c'est une science de la dunya, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, tu vas étudier un métier ou une profession ou quelque chose dans le but de vivre pour gagner ta vie, ça il n'y a pas de problème. Comme d'apprendre le calcul, d'apprendre l'ingénierie, ou apprendre l'écriture, ou des trucs de ce genre, dans le but d'avoir un poste pour pouvoir travailler, pour gagner ta vie, ça il n'y a pas de problème, ça fait partie des moyens permis par l'islam, et ça fait pas partie des adorations. أما العبادات كأن يصلي من أجل طمع الدنيا أو يجاهد من أجل طمع الدنيا أو يطلب العلم أو يحج فهذا داخل في هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وعليه الوعيد الشديد وهو نوع من الشرك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وإن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى أو سخط في رواية أخرى فهذا نوع من الشرك فالإنسان يخلص أعماله لله عز وجل فإن جاءه شيء من الدنيا فهو رزق ساقه الله إليه أما إن عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا فهذا هو المذموم وهو من الشرك وعليه الوعيد الشديد فعلى المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل الشيخ الزي que si c'est donc les actions de la dunya que tu apprends des choses pour la dunya pour gagner ta vie ça rentre pas dans le riya ça rentre pas dans le fait de travailler de faire des choses religieuses pour la dunya parce que c'est pas des adorations mais si c'est des adorations par contre le fait que par exemple quelqu'un prie l'imam juste parce qu'il veut le salaire ou bien il fait le jihad juste parce qu'il veut avoir le butin ou bien il cherche la science uniquement pour dire il veut avoir un poste il va être juge ou autre chose juste pour la dunya ou bien il fait le hajj pour quelqu'un juste pour avoir de l'argent en retour eh ben le cheikh il dit que tout ça ça rentre dans le verset celui qui veut la vie d'ici-bas et ses parures alors on lui donnera la récompense pour ses actions dans la dunya mais dans l'akhira ils n'auront rien par rapport à ces choses-là et donc il y a une dure menace on voit que dans ce verset-là il y a une dure menace pour quelqu'un qui fait cette sorte de shirk et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de ça dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rapporté selon Abi Huraira qui dit que périsse l'adorateur de Al-Khamisa et Al-Khamila. Al-Khamisa et Al-Khamila, c'est des genres de vêtements, des beaux vêtements, que les gens qui aiment beaucoup les beaux vêtements et tout, ces gens-là, il dit Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila, Ta'isa Abdul Dinar wa Dirham. Ça veut dire des gens qui sont prêts à tout pour avoir ces beaux vêtements ou pour avoir cet argent-là. Même à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour les avoir. Ceux-là, ils ont fait cette forme de shirk mineur. Et le shirk, il dit, si on leur donne, ils sont satisfaits. S'ils n'en ont pas, ils sont pas satisfaits, ils se fâchent. Ils sont insatisfaits, ils sont pas contents. Donc ça fait partie d'une catégorie de shirk. Et donc, le shirk, il dit que c'est une sorte de shirk qui est mineur. Il dit, l'être humain, il doit donc purifier ses actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, si quelque chose de la dunya lui est donné, c'est un risque que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. En ce qui concerne les actions qui ont rapport avec l'akhirah, et les actions qui ont rapport avec l'adoration, s'il les fait pour la dunya, alors ça c'est quelque chose qui est blâmable, et ça fait partie donc du shirk, et il aura donc une menace Dieu à ce sujet-là, et donc le musulman doit purifier toutes ses actions, et il doit les faire uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, il explique, il dit, « وَهُنَاكَ فُرُوق كَثِيرَ بَيْنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ وَالْأَسْغَرُ وَهِيَا » Il y a plusieurs différences entre le shirk majeur et le shirk mineur, et en voici quelques-unes. « الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ » يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. Le shirk majeur, parmi les différences entre les deux, majeur et mineur, c'est que le shirk majeur fait sortir de l'islam. Le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam. Mais ça fait partie des plus grands péchés parmi les grands péchés. Et c'est une chose qui peut te faire tomber dans le shirk majeur. Donc c'est très dangereux quand même. Deuxièmement, أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. أما الشرك الأصغر إذا كان رياء أو سمعة فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يحبط بقية الأعمال التي ليس فيها رياء. الشيخ يقول كم deuxième différence. C'est que le shirk majeur détruit toutes tes actions, toutes tes bonnes œuvres. Tandis que le shirk mineur, si c'est, par exemple, qu'il y avait une forme de ria ou de sum'a dedans, tu le fais pour te faire voir, te faire entendre, ça détruit l'action dans laquelle tu as eu cette ria. Pas toutes tes actions, seulement l'action où il y avait de ria dedans. Et le reste de tes actions dans laquelle il n'y avait pas de ria, elles seront acceptées par Allah, inshallah. Donc c'est pour dire que ça c'est une autre distinction entre les deux. الثالث أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يحل الدم والمال ودم الإنسان وماله لأنه لم يخرج من الإسلام. واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر أو يغفر كسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر أو لا يغفر، لأن الله عمم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، ولكن هناك فرق بحيث أن الشرك الأكبر يعني يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وإنما لا بد من تعذيبه ولا يقبل المغفرة لمن لا يخلد في النار. فهذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، كلها خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le Cheikh nous donne comme dernier exemple des différences entre le majeur et le mineur, que le shirk majeur rend le sang et les biens halal, contrairement au shirk mineur qui ne fait pas devenir le sang d'une personne ni ses biens halal. Parce que le shirk mineur ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Toutefois, il y a les ulama, ils ont divergé au sujet du fait que ils ont demandé par exemple, est-ce que le shirk mineur est-ce que Allah va le pardonner comme les autres, comme par exemple, est-ce que Allah va pardonner le shirk mineur qui sont en dessous du shirk majeur, est-ce que Allah va les pardonner ou bien Allah va pas les pardonner? Parce que dans le verset, le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Il dit Allah ne pardonne pas que quelqu'un fasse le shirk avec lui dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Et on a dit que le shirk majeur c'est celui que Allah ne va pas pardonner, tandis que le shirk qui fait sortir de l'islam c'est le shirk majeur, et le shirk mineur il fait pas sortir de l'islam. Maintenant, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié par exemple est-ce que c'est le shirk majeur qu'il ne pardonne pas ou le shirk mineur qu'il ne pardonne pas. Et donc les savants ont demandé, est-ce que le shirk mineur sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala ou non? C'est-à-dire, est-ce que cet acte de shirk mineur en particulier là, que l'individu a fait, est-ce qu'il sera pardonné ou non si la personne meurt sur ce péché là? Et le cheikh il dit que فهذا يعم الشرك الأكبر والأصغر. Il y en a qui ont dit que c'est général. Ça comprend le fait que qu'est-ce qui n'est pas pardonné, c'est le shirk majeur et le shirk mineur. Allah ne va pas le pardonner. Mais il y a des différences entre les deux. Du fait que le shirk majeur fait que quelqu'un reste éternellement dans l'enfer. Toutefois, le shirk majeur fait que quelqu'un reste éternellement dans l'enfer. Toutefois, le shirk mineur ne fait pas rester quelqu'un éternellement en enfer, mais ça fait en sorte qu'il doit être puni et qu'il ne sera pas pardonné. Toutefois, il ne va pas rester éternellement dans le feu. Ça, c'est ça l'explication. Et le cheikh, il dit donc que ça c'est quelques-unes des divergences, pardon, c'est quelques-unes des différences entre le majeur et le mineur, parmi les formes de shirk. Et elles sont toutes dangereuses. Elles sont toutes dangereuses en général. ولا يقال هذا شرك أصغر سيتساهل الإنسان فيه ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que un péché, même s'il est par exemple un péché que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé shirk, hein, même s'il ne te fait pas sortir de l'islam, il est plus dangereux qu'un péché que Allah n'a pas nommé shirk. Comprenez? Un péché que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé comme étant une forme de shirk, comme par exemple le fait de jurer par autre que Allah, hein, c'est plus grave qu'un autre péché que Allah n'a pas nommé shirk. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est quand même plus dangereux comme degré, degré de péché qu'un péché qui n'a pas été nommé comme étant une forme de shirk. Et il donne l'exemple de ça, que Abdullah ibn Mas'ud, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, ah, c'est pas grave si c'est shirk mineur, on peut le faire, hein, c'est pas grave, ils prennent ça à la légère, et donc ça c'est une erreur. Et il mentionne une parole d'un sahabi, Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, il disait, je préfère, ça c'est juste un exemple qu'il donne, je préfère jurer par Allah, je préfère faire un faux serment par Allah que de faire un serment véridique par autre que Allah. Il dit, je préfère faire un serment, un faux serment par Allah, qu'un vrai serment par autre que Allah. Donc par exemple, c'est comme s'il disait, je préfère dire quelque chose de faux, un mensonge, en jurant par Allah, que de dire quelque chose de vrai en jurant par autre que Allah. Hein? C'est pour montrer que c'est une forme de shirk mineur, mais c'est plus grave que de mentir ou de jurer par autre que, c'est plus grave que de jurer et de mentir dans notre juré. Tu dis je te jure que j'ai fait ça, puis c'est pas vrai. Tandis que l'autre, il dit, par exemple, quelqu'un dit, je te jure par Allah que j'ai fait ça, et c'est pas vrai. Ça, c'est un péché, c'est grave, c'est haram. Mais de dire, je te jure que j'ai fait ça, c'est vrai, sauf que je te jure par la tête de mon père, ça c'est plus grave encore que de mentir en jurant par Allah. Donc, pourquoi? Il dit parce que le péché de mentir est moins grave que le péché de faire le shirk, hein, faire une forme de shirk. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour l'instant, puis on continuera dans quelques minutes, hein, on va prendre une petite pause, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Fikum barakah.